La pile Volta par Horace Van Hoffel. À l'école, je ne me déplaisais point parmi mes condisciples. Le monde des enfants ne ressemble pas à celui des grandes personnes. La lumière innocente du paradis terrestre l'éclaire encore. Il est peuplé de dieux, d'anges, de bêtes symboliques, de héros et de génies. Car presque tous les petits garçons sont beaux et de vastes pensées illuminent leur front boudeur et pensif. Ils ne deviennent stupides, médiocres, méchants que bien plus tard, quand leur âme est morte, assassinée par le temps et la malice des hommes. J'aimais le décor de la classe avec ses pancartes représentant des tables d'histoire naturelle et son étagère où s'alignaient des poids, des cubes et le jeu chinois des centilitres, des litres et des décalitres. Plus tard, je remarquais que l'ornement des classes devenait plus intéressant à mesure que l'on montait vers les études supérieures. Dans certains locaux, il y avait des maps-mondes, des machines électriques et des pièces anatomiques en carton peint. Ah, que j'eusse voulu être parmi les savants du dernier degré, ayant à leur disposition un lézard empaillé et un squelette de tambour-major. Je sus rapidement lire, écrire et compter. Mais dès la troisième année, je m'étonnais des étranges doctrines qu'on m'exposait. Par exemple, que pour s'enrichir, il faut avoir soin de ramasser les épingles. Que Brutus, qui poignarda son bienfaiteur, était un homme admirable, que le cheval est notre plus noble conquête, que Christophe Colomb n'avait pas son pareil pour les jeux de société, qu'au Moyen-Âge, les serfs infortunés passaient toute leur nuit à remuer les mares à grenouilles, que Parmentier était l'inventeur de la pomme de terre et que César gagnait ses batailles en criant « Veni, vidi, vici ». Je me méfiais, sachant que les grandes personnes aimaient à mentir et à compter des bourdes, comme le marchand de sable, Croque-Mitaine et Saint-Nicolas galopant sur les toits avec son âne. Aussi, lorsque le maître d'école exagérait, ne pouvais-je m'empêcher de hausser les épaules, ce qui m'attirait de virulents reproches. Un jour, le maître me prit à partie plus vivement que d'ordinaire. « Je vous prie, Curias, de ne pas hausser les épaules. »« Comment ? Cela n'est pas plus haut qu'une botte et cela veut déjà discuter. » « Oui, monsieur, le lion est généreux, mais vous ne serez jamais qu'un sophiste. » Et le maître partit de là pour expliquer ce que c'était qu'un sophiste. Anciennement, chez les Grecs, nom donné à des individus moitié rhéteurs, moitié philosophes, qui cherchaient plus à faire part de leur esprit qu'à reconnaître la vérité des choses. Actuellement, celui qui fait des raisonnements captieux. Et il ajouta, « Voltaire l'a écrit. » Y a-t-il rien dans la littérature de plus dangereux que les rhéteurs sophistes? De tels hommes sapent les bases de l'édifice social et ne seront jamais que de mauvais citoyens. Et voilà, Curias. Je gage qu'il est capable de nier que 2 et 2 font 4. Le sait-il seulement? Voyons, voici Michel et Hector, voici Jean et l'illustre Curias. Ça fait combien d'élèves? Répondez. Cela fait 4 élèves différents. Postais-je pour rire un brin? Hélas, le maître ne goûta nullement la plaisanterie. « Dans le coin » hurla-t-il. « En pénitence ! Vous aurez 2 jours de retenue. Vous êtes un petit monstre, un criminel né, digne d'être décrit par l'incomparable Lombroso. » Néanmoins, à la fin de l'année scolaire, j'eus un prix, un beau volume doré sur tranche et intitulé « L'histoire des grandes inventions ». Je courus montrer cette merveille à mes cousins Pierre et Olivier, fils puiné de l'oncle Arthur, le plus fameux perruquier d'Anvers. Nous lûmes l'ouvrage ensemble. Il n'était pas banal et ressemblait par certains côtés à la Belle au bois dormant. Les savants ne s'y donnaient pas beaucoup de peine. Ils jouaient avec un cerf-volant, une bouilloire, des matières dangereuses et tout à coup, sans le faire exprès, inventaient quelque chose, la poudre, le paratonnerre ou la machine à vapeur. Nous rêvâmes de les imiter. Pourquoi la chance ne nous favorisera-t-elle pas aussi bien qu'eux ? Dès lors, le grenier de l'oncle Arthur se trouva vite transformé en laboratoire où les bouteilles et les flacons à parfum figuraient les cornues. Notre livre donnait la description de plusieurs piles électriques. La pile Volta nous parut la plus facile à construire. Il suffisait de posséder 10 rondelles de zinc, 10 rondelles de cuivre et 10 rondelles de drap, plus quelques fils de laiton. Par un hasard, probablement malicieux, nous nous procurâmes facilement le zinc et le cuivre, mais nous ne pûmes mettre la main sur le moindre morceau de drap. et pour rien au monde, nous n'eussions remplacé cette matière par une autre, sachant qu'en fait d'incantation et de magie, il faut toujours suivre les prescriptions du grimoire à la lettre. Nous fûmes très embarrassés pendant quelque temps. Mais un jour, Pierre monta au grenier avec les rondelles désirées. Nous les fîmes tremper dans du vinaigre et la pile se trouva bientôt confectionnée. Alors nous contemplâmes notre œuvre avec une sorte de stupeur mêlée de respect. Nous ne doutions pas que quelque miracle en allait sortir en coup de foudre. Mais en attendant, il convenait de s'assurer si le courant électrique était présent dans notre ouvrage. Mon livre expliquait que pour s'en convaincre, il suffisait de mettre les fils conducteurs en bouche. On sent sur la langue un petit goût acidulé. Et nous passions des après-midi entières à chercher le petit goût acidulé. Pierre affirmait que le goût y était. Olivier ne sentait rien. Quant à moi, je ne parvenais pas à fixer mon opinion. Un matin que nous étions ainsi plongés dans nos expériences, nous entendîmes un cri terrible qui monta des profondeurs de la maison jusqu'au comble. Et peu après, un pas d'ogre en colère ébranla les marches de l'escalier. Pierre pâlit et chercha à fuir, trop tard. L'oncle Arthur entra en brandissant sa plus belle culotte outragée, abîmée par un irrémédiable coup de ciseau. C'est là que l'industrieux Pierre avait été chercher les rondelles de drap qui nous manquaient. Une rapide enquête établit toute l'horreur de son crime. L'oncle Arthur prit un bâton et se fit justice. L'appareil voltaïque vola en éclats pendant que nous dansions sous les coups comme des grenouilles galvanisées. Pour une pile, ce fut une vraie pile, dont le goût acidulé, amer même, n'était pas contestable. Nous connûmes tous les trois un châtiment exemplaire, une semaine d'arrêt de rigueur au pain et à l'eau. Malgré la faiblesse de ma mère qui m'apportait des petits plats et des bonbons en cachette, cette disgrâce me dégoûta de la physique. Je me jetai à corps perdu dans la littérature qui, elle, m'a mis au pain et à l'eau pour le restant de mes jours. C'était La Pile Volta par Horace von Hoffel.